On va parler de football avec notre ami Hugues Fouché. Salut Hugues! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien Hugues. Hey, j'ai une question quiz avec toi. Comment c'était que tu suis le football? Oh boy! Ben j'ai toujours bien aimé le football. Quand j'étais jeune, je jouais plus au hockey, là, pour être honnête, comme ouais. beaucoup de Ah, mais j'ai joué. ça fait-tu au moins 30 ans? Oui. Puis j'ai joué au football plus vers la fin de mon adolescence. Okay. Puis parce qu'il n'y avait pas vraiment à l'époque de football organisé chez les francophones. C'est vraiment plus un sport. On parle des années 80, c'était plus un sport. Nous, on jouait beaucoup au hockey. On n'avait pas vraiment d'équipe dans ma ville. J'habitais à Longueuil. J'ai commencé à jouer un petit peu sur le tard, à m'intéresser vraiment. Là, j'ai regardé déjà les matchs, mais je me suis vraiment intéressé à l'adolescence beaucoup plus. OK. Tu te rappelles-tu, moi, ça fait 40 ans que je suis à la NFL, OK? Tu te Oui. rappelles-tu d'avoir vu les Steelers de Pittsburgh des Buffon? Ah non, vraiment pas. C'est pas arrivé souvent. Ouais, Non, ça arrive jamais. D'ailleurs, c'est eux là, qui ont la plus longue séquence de saison à jouer pour au moins 500. hein? Je pense que c'est à peu près plus de 2000 qui jouent depuis 500. C'est une équipe qui a jamais de saison. En fait, Incroyable. ouais, en 2003, il y aurait eu une fiche de 6-10, ça se peut-tu? Ouais, je pense que c'était juste avant que Pittsburgh arrive. Et cette année, je pensais que ça serait peut-être l'année que ça irait mal pour eux, puis finalement, ils ont remporté une victoire contre les Bills, fait qu'ils vont probablement encore jouer pour au moins 500, là. OK. Si on y allait maintenant, on va commencer par la NFL hier. Il y a eu de très, très bons matchs, hein? Oui. D'abord, écoute, moi, le match que j'ai vu, justement, c'est les Steelers contre les Bills, parce que je devais partir travailler, mais quel match! Écoute, les Steelers, moi, j'aurais pensé que les Bills auraient gagné, mais les Steelers, ça reste les Steelers, hein? C'était un match avec une guerre de tranchées incroyable. Ah oui, absolument. Défensive des Steelers, TJ Watt, entre autres, qui n'était pas arrêtable. La défensive, c'est vraiment un club avec une grosse défensive. Puis, je vais te dire, moi, ce qui me fait peur des Steelers, c'est la ligne à l'attaque. Moi, je pensais que c'était un test contre Buffalo parce qu'ils ont un nouveau front défensif. Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, front défensif meilleur. Honnêtement, la ligne à l'attaque des Steelers, c'était pas du tout impressionnante, mais avec des passes rapides, on a quand même réussi à garder la pression loin de Roethlisberger, puis finalement, on a quand même réussi à gagner le match. C'est sûr que la ligne à l'attaque demeure une question pour moi, Steelers, là, mais ça n'a pas trop paru. Mais il va falloir qu'ils trouvent une façon d'ouvrir des brèches pour un petit peu plus de jeu au sol. Ça va leur prendre ça. Mais en tout cas, hier, avec la défense qu'ils ont, s'ils font pas trop de turnover en attaque, là, de revirement en attaque, ils vont être dangereux parce que Buffalo, on sait que c'est une bonne équipe, là. C'est pas parce que Buffalo est pas bon, mais c'est parce que les Steelers ont super bien joué hier. OK. Si on parlait maintenant du côté, il y aurait They're gonna start their day with a handoff to Jones. Hey, non, hein? Non. Grosse victoire. Je sais pas si c'est à quel point que c'est Aaron Rodgers n'était pas là ou si c'est vraiment les Saints qui sont aussi dominants que ça. Je pense que c'est peut-être un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux. Honnêtement, je pense que les tu sais, à un moment donné, toute l'histoire avec Aaron Rodgers, ça a peut-être mis un peu aux Packers. Non, les Saints, écoute, quand on y pense, Danny, je ne sais pas ce que tu en penses, mais des dernières années, quand Drew Brees s'absentait, ça paraissait pas tant que ça. Ouais, mais il restait dans l'entourage de l'équipe. Ça restait que c'était quand même le monsieur, là. C'était le leader de l'équipe, là. Ce qui n'est plus le cas, là. Il n'est plus là. Non, effectivement. Puis, tu sais, mon but, c'est pas de rabaisser Drew Brees, là, qui est un corps que j'ai toujours trouvé extraordinaire, mais je veux juste dire que quand Jameis Winston. On limite un peu qu'on ne lui demande pas de trop en faire puis qu'il ne fait pas des revirements. Et ça peut être un corps qui est très efficace aussi. Puis ce club-là a toujours eu une bonne défensive quand même. Alors hier, c'est un peu des deux. Rodgers n'a pas bien joué, mais en même temps, la défensive des Saints a été impressionnante. Je lisais souvent en pré-saison qu'il était pour avoir une grosse saison. Les Saints, moi, j'y croyais pas trop. Mais s'ils répètent des performances comme celle d'hier sur une base régulière, il va falloir que je commence à faire partie du bandwagon aussi, là. OK. Ailleurs également, ce qu'il faut surveiller, ben, on va parler de nos Pats, mais pas tout de suite, là, parce que c'était pas des matchs à surveiller. Les Non. Chiefs de Kansas City qui ont remonté contre les Browns de Cleveland. Tirer derrière, écoute, c'était quoi? C'était 22-10 à peu près? Puis Écoute, cette équipe-là est vraiment, c'est pas long, là, de revenir dans le match, là. Écoute, ça, c'est ce qui arrive quand tu as un corps arrière comme Mahomes. Ouais. Tu gagnes des matchs que tu devrais pas gagner. Les Chiefs auraient jamais dû gagner ce match-là. C'est les Browns qui auraient dû le gagner, mais Mahomes est tellement bon qu'il peut faire changer un match. Il peut faire changer une défaite certaine en victoire et faire des remontées de 10, 15, 20 points. Même pour lui, c'est devenu une habitude. Là. Ça fait que. Mais faut que je t'avoue qu'en première demi du match, je pense qu'on a tout le monde eu le même réflexe de dire est-ce que la défaite du Super Bowl est encore là? Est-ce que les Chiefs, ça va être un peu plus difficile? Ça a-tu laissé des traces? Puis finalement, on l'a cru pendant une demi, puis en deuxième demi, on a eu notre réponse. Pas du tout. On s'est retrouvé lui-même. Puis on sait que là, ce club-là, ils sont à ce stade-ci, c'est logique de penser qu'ils vont effectivement être la meilleure équipe dans la conférence américaine, là, puis que la conférence leur appartient. Ce soir, ben, écoute, avant de parler du match de soir, les Raiders, c'était l'entrée en scène hier de Mac Jones contre toi. Les deux derniers recrues les deux derniers quarts des Crimson Tide d'Alabama. Ça a été quand même, écoute, moi, je l'ai enregistré le match. Ce qu'on dit, c'est que Mac Jones, ben, 281 verges, c'est solide, là. Écoute, c'est pas compliqué, Danny. Les Pats ont dominé dans toutes les catégories ce match-là. Oui, ils ont dominé le temps de possession, les verges, etc. Ce qui s'est passé, tu sais, il y a des fois où c'est pas compliqué comment un match se joue. Les Pats ont intercepté le ballon avant, il restait peut-être 5-6 minutes au match. Il était en train de remonter le terrain, il était profondément dans le territoire des Bills, c'était 17-16 pour les Dolphins, c'était 17-16 pour les Dolphins. On s'en allait marquer le placement ou le toucher qui aurait donné l'avance. Il restait à peu près 3 minutes à faire, on était en train d'écouler le temps, tout allait bien, puis Damien Harris a échappé le ballon, pas plus compliqué que ça. Les Dolphins ont récupéré le ballon avec 3 minutes à faire, et ce qui est arrivé malheureusement ou heureusement, pour les partisans des Dolphins, c'est que la défense des Patriots n'a pas été capable d'aller chercher un dernier stop, et les Dolphins ont contrôlé le ballon jusqu'à la fin. C'est qu'on pourrait... tu sais, en débattre longtemps, mais dans le fond, ça s'est vraiment joué sur cette situation-là, l'échappée de Damien Harris dans un match qui, à ce moment-là, semblait appartenir aux Patriots. Mais je vais souligner l'excellent travail de la défense des Dolphins. Tu vas voir dans le match, ils n'ont pas raté beaucoup de plaqués. Il n'y avait pas de verge après l'attraper. Ils ont très bien joué. Ils ont blitzé sur 47% des jeux. Ils étaient contents. Ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses quand un jeune corps recrue, là. Mais honnêtement, là, il n'y a pas un blitz qui n'a pas vu venir. Il se débarrassait rapidement du ballon. Il était parfait. Il a joué un match, vraiment là, un fort match pour Mac Jones. Un des bons matchs que j'ai vu par un corps recru à son premier départ. Honnêtement, là, c'était vraiment solide. Ça ne veut pas dire pour la suite, mais il était très, très solide. C'est pas lui qui a placé l'équipe en position de gagner. Si Damien Harris échappe pas le ballon, probablement que c'est une victoire. Donc, moi, je pense qu'il a fait tout ce qu'on pouvait lui demander. Par contre, pour les partisans des Patriots, là, je pense que la plupart sont satisfaits, mais, tu sais, 20 ans de Tom Brady à te faire croire qu'un corps arrière, ça peut marquer des points quand ça veut ou quand tu en as besoin à chaque fois, puis que ça peut traverser le terrain. Si tu perds par 10-15 points, il va te ramener dans le match. À chaque fois, c'est un petit peu déformé comme vision des choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors là, tu as un corps arrière qui est une recrue, puis il va falloir que les gars autour de lui fassent pas ce genre d'erreur-là. Mais c'était honnêtement, c'est un bon match de football. Tu vas l'apprécier. Tua Tagovailoa était pas pire aussi. Il n'a pas été mauvais honnêtement, mais Jones était meilleur que lui. Ce qui est encourageant pour les partisans des Pats, parce que c'est un corps de recrue, alors que l'autre était quand même à sa deuxième année. Il va s'améliorer d'année en année. Il va de prestation en prestation. Hein. Les Pats, dis-toi une chose, c'est que c'est une équipe qui va s'améliorer à mesure que l'année va avancer. Ils ont 10 nouveaux partants qui n'étaient même pas dans l'organisation l'année passée, une dizaine de nouveaux partants, plein de nouveaux joueurs, un corps recrue. Donc, moi, c'est une performance qui est très correcte pour un premier match. Le problème, par contre, c'est que c'est une défaite intra-division, puis ça fait toujours mal. Puis le problème, c'est que n'oublie pas que tu as les Saints et puis les Bucks qui s'en viennent. Tu as les Jets, après ça, les Saints, les Bucks. Donc, tu pourrais te retrouver en 1-3 assez facilement, ce qui, ça, peut-être être un petit peu plus paniquant. OK. Bon, maintenant, les NCAA, les matchs à surveiller. Ben, Oregon, hein. Oregon, c'était la grosse surprise qu'elle a fait Ohio State. C'est la grosse upset en fin de semaine. Meilleur match de la fin de semaine, toute ligue confondue. Incroyable, hein. Mm-hmm. C'est tout un match de football. Hey, écoute, je vais être franc avec toi, là. Je n'attendais pas à ça, mais pas du tout de voir Oregon battre Ohio State. Ah, Ohio State, à part de ça, là. Ah oui, écoute, puis Ohio State revenait dans le match constamment, tu sais, on se disait à un moment donné, si c'est Ohio State, ils vont finir par gagner le match, mais non, finalement, Oregon s'en est sorti avec une victoire. Écoute, moi je te dirais, au niveau des porteurs de ballon, la ligne à l'attaque d'Oregon a fait un travail incroyable contre le front défensif d'Ohio State, puis le corps arrière, excuse-moi son nom m'échappe, c'est l'ancien de Boston College. C'est un bon corps arrière, double threat qu'on appelle. Il y a eu des graves blessures, mais c'est un gars qui peut courir, qui peut passer le ballon. Si une équipe de la NFL recherche un réserviste là, pour ce genre de rôle-là, là, pour être, mettons, le deuxième corps arrière de Justin Fields ou de Trey Lance, un corps déjà athlétique, il serait le gars parfait. Bon choix de venir repêchage. Il a vraiment joué un match exceptionnel contre Ohio State. Je l'ai trouvé super bon. Puis honnêtement, là, c'est pour ça qu'on regarde le football collégial. C'est un match tellement spectaculaire. Si vous n'avez pas vu, allez le chercher sur Internet, là, sur YouTube. Vous pouvez toujours trouver les reprises des matchs et ça vaut la peine. C'était incroyable. Okay. Dernier match qu'il faut regarder également, Utah qui a sorti. C'est BYU qui a sorti Utah. Club 25, oui. Ça aussi également. Grosse surprise, je m'attendais vraiment pas à ça. BYU finalement, le BYU a toujours des bonnes équipes, il faut le dire. Mais là, ben, les Bat Utah, ça c'est une énorme surprise également. Donc effectivement, j'ai été surpris aussi par ce résultat-là. USC qui s'est fait planter par Stanford et qui a congédié son coach aujourd'hui. Je viens de voir ça, ça vient de sortir au moment où on se parle, ça fait quelques minutes. USC a congédié son coach, M. Elton, pour le remplacer par un de ses adjoints, et par intérim, et puis là, on a tiré finalement la plotte sur le coach parce que ça ne va pas du tout à USC. Mais cette défaite-là, je pense que ça n'a pas passé là, contre Stanford. Là. Il était quand même classé 14e, lui, ils vont sortir des classements. USC, c'est une des. Le 10-15 ans, c'était une des grandes forces de la NCAA. Là. C'était... Et du Pac-12, oui. c'est une des bonnes équipes du Pac-12, normalement. Là. Avec Oregon, oui, Oregon dans le Pac-12. Avec Oregon, oui. Donc c'était Stanford également. C'était des grosses universités du Pac-12. Puis là, c'est difficile pour eux autres. USC, c'est une place où ils vont toujours chercher des prospects. Des prospects, et là, sont. 5 étoiles, puis des. Puis ils ont toujours, hein. Puis au poste de corps, c'est toujours un prospect 5 étoiles. Des fois, ils en ont plus qu'un. Il y en a qui sont obligés de transférer. Tu sais, ils ont beaucoup. De gros noms, mais ils sont plus capables de gagner. Alors là, je pense qu'effectivement, ça prend un changement dans le programme. Il va falloir qu'ils revoient un petit peu leur façon de faire. OK. Hugues, on se reparle vendredi avec l'NCAA? Oui. Hey, je peux-tu juste faire une dernière chose? Oui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Twitter, j'ai trouvé ça super intéressant de faire un classement des carrières de première et deuxième année pour la première semaine d'activité. Oui, vas-y, voir. J'ai trouvé ça super intéressant. Écoute, je me suis vraiment creusé la tête. Au premier rang, j'ai mis Joe Burrow parce qu'il a gagné contre deuxième année. Il a gagné son match en prolongation contre Minnesota. J'ai mis au deuxième rang. Et le deuxième rang, là, j'étais vraiment pas sûr. Finalement, j'ai mis Justin Herbert. Okay. Par souci, mais j'avais Mac Jones aussi. Là. Tu sais, ça pourrait être interchangeable, mais j'ai mis Herbert. Ça a bien fait en passant, hein? Oui, absolument. Les commentateurs, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il faudrait qu'ils sachent que pendant les reportages, c'est devenu une mode de dire j'aime beaucoup ce jeune-là repêchant troisième ronde. Tous les analystes le disent quand ils jouent autant des matchs en concours. Encore là, ils en ont beaucoup parlé pendant leur reportage, il était très bon. Mais pour te dire, pour les quarts, j'ai mis Herbert deuxième, Justin Field, Mac Jones troisième, il a connu un fort match. Jalen Hurts a été bon avec Philadelphie aussi, je l'ai mis. J'ai également mis. C'est ça, Jalen Hurts. Après, puis Tua Tagovailoa, je l'ai mis cinquième. Donc, ça, c'est mes cinq premiers. Ensuite, j'ai mis Zach Wilson et Trevor Lawrence. Mais C'est sûr que j'ai pas tenu compte dans ce classement-là du fait que c'est des quarts de première année ou de deuxième année. C'est sûr qu'un quart de deuxième année devrait être meilleur normalement qu'une recrue. C'est pour ça que Mac Jones, troisième, c'est je l'ai vraiment mis haut. Mais Lawrence et Zach Wilson, c'est pas de leur faute, là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'équipe autour d'eux, puis ils ont couru pour leur vie pendant tout le match. Mais de ce que j'ai vu, là, de ce que j'ai pu voir, ils étaient mal protégés, ils sont pas aussi bien encadrés. Alors, tu sais, c'est vraiment pas de leur faute, mais je le mettrais dans cet ordre-là. Puis je te dirais que les cinq premiers, jusqu'à Tua Tagovailoa, là, on peut parler de bonnes performances, que leur club doit être très content. Donc, c'est le classement que j'ai fait vite. S'il y a des gens qui veulent me répondre, là, pour me dire ce qu'eux en pensent, puis quel classement ils font, ça serait intéressant aussi. Okay. Hugues, on se reparle bientôt. Oui. Notre ami Hugues Fouché.